un peu les filles. Allez, ouvrez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. C'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de Érigé 90.7 de la bande FM, érigéfm.fr, pour écouter cette fameuse émission Johnny de A à Z qui est sur les antennes de Érigé depuis de nombreuses années, presque 20 ans, vous vous rendez compte? Et cette émission existe depuis maintenant bientôt 23 ans. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 529e émission Johnny de A à Z en votre compagnie comme tous les mercredis. Je suis très heureux donc de vous retrouver et aujourd'hui on va parler de la chanson Un cri, le titre inédit de Johnny Hallyday qui a été composé par Maxime Nucci et puis qui a été également écrit par Vincent Walter Jacob. Vincent Jacob, exactement. On va écouter ça, puis après on va revenir un petit peu sur le texte, un peu sur le texte de Vincent Jacob, Johnny Hallyday et sa vie, la vie qu'il a faite et qui s'est construite lui-même, et aussi en même temps en propos de l'ode américaine que Johnny dédie aussi également dans cette chanson-là. On va parler donc du cri pendant une vingtaine de minutes. Nous allons avoir l'intervention de Maxime Nucci pour vous raconter, hein, donc le lundi 6 novembre 2023 à 12h30, David Rico, Fabien Foucault et moi-même sommes invités par Sophie, la chef de projet chez Warner, à écouter le titre inédit de Johnny Hallyday, Un cri, avec la présence de Maxime Nucci, le compositeur du titre. Et après un accueil chaleureux de la part de Yodelis, sourire aux lèvres et de l'équipe, viennent les présentations de chacun, hein, un café et des anecdotes souvenirs, et nous entrons dans le studio pour écouter le fameux titre inédit, Un cri. Donc, nous prenons place dans les trois fauteuils face à la table de mixage, et Maxime Nucci nous raconte la genèse du morceau. Johnny, apprenant sa maladie, me demande dans l'urgence d'appeler tous les auteurs que je connais pour un album. Et sur un texte de Vincent Walter Jacob, Un cri est le premier titre destiné au prochain opus, mais inachevé et laissé au placard pendant 6 ans. On va écouter tout de suite, dans cette émission, la nouvelle chanson de Johnny Hallyday, le titre inédit. Voici tout de suite Un cri sur le thème de Érigé. Bonne écoute à toutes et à tous. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. à s'en frapper la tête. Ah, pour vous dire quand même, nous nous sommes pris une claque dans le studio hein, suite à la première écoute du titre inédit. Et donc, nous commençons à donner nos impressions à Maxime Nucci. À chaque fois qu'il y a un titre inédit qui sort, que ce soit chez Warner, Universal ou ces choses-là, en fait, généralement, on se dit un titre inédit, c'est un titre que l'artiste n'a pas validé parce qu'il était jugé moins bon. Mais là, en fait, l'historique est différent de cette chanson parce qu'en fin de compte, il n'a pas pu aboutir. Mais là, quand on voit ce qui... C'est un truc dingue. Non, mais c'est fou parce qu'en fait, il y avait un côté presque par rapport à la démo de l'époque, en fait, qui n'était pas une démo, mais plutôt une espèce de blues à la guitare acoustique. La manière dont il le chante, c'est extrêmement... Et c'est, en fait, c'est, je sais pas trop, il y a toujours un côté mystique hein, dans la création, dans la manière dont les choses te viennent, pas, en tout cas, voilà. C'est pas un titre mineur. Carrément pas. Et pour moi, c'est vraiment important, enfin, en tout cas, c'est pas un titre mineur de Johnny. Je dirais que même, il aurait fait partie de l'album Mon pays, c'est l'amour. Et voilà. Il bouffait l'album. Je suis entièrement d'accord. Tu sais qu'en plus, le truc, c'est qu'il y avait d'autres. En fait, si tu veux, voilà, tout s'est fait un peu dans l'urgence, et vers la fin. La DA, elle commençait à s'affiner, il y avait le Mon pays, c'est l'amour, il y avait Made in Rock'n'Roll. Enfin voilà, avec ce qu'on avait construit avec de l'amour avant, et vraiment on se rendait bien compte que même lui, il était enjoué, ça le mettait en joie de chanter ces chansons-là, parce qu'il était imbattable, c'était son terrain. Moi, j'ai un truc qui m'interpelle dans ce que tu nous as dit, tu as parlé d'état d'urgence. Et j'ai ce souvenir d'avoir souvent entendu Johnny dans les interviews dire qu'il était bon surtout en état d'urgence. Ouais. Et ce titre, comme tu nous l'as dit, c'est le premier qui a été finalement enregistré. Là, le Johnny qu'on entend, c'est un Johnny qui a chanté avec ses tripes. Il a presque chanté, et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que. D'ailleurs, je vais vous montrer parce qu'en fait, du coup, il y a un truc qui est assez extraordinaire quand. On peut l'écouter une seconde fois. Je vais vous le faire écouter une seconde fois. Mais dans je vais vous faire écouter un truc de dingue. En fait, quand on faisait le remastering là, de la compile qui va sortir là, avec Alex Gopher, du coup, en fait, il y a un truc qui est assez dingue, c'est d'écouter les voix en solo. C'est génial. Et donc Warner... Ils ont le projet là de faire toutes les instrus et tous les acaps, surtout de Johnny. Et c'est assez dingue de l'entendre. Mais là, il y a une version qui sort. Il y a une version. Mais il est en rupture. J'ai pas eu le temps de le commander. C'est ça le côté qui m'intéressait justement. C'est les acapellas. Là, tu vas me mettre un frisson. C'est assez fou parce que la manière dont il projette, c'est assez incroyable. On m'a rien donné, pas même une bonne étoile, un nom qui trace une ligne d'orgueil. Et prendre des coups, éviter des balles, oublier comment cloue le cercueil. J'ai goûté la violence, oui bien avant la tendresse. J'ai connu la souffrance, l'errance et la détresse. Les illusions perdues, à s'en frapper la tête. Un reclash. C'est exceptionnel. T'écoutes ça, ferme les yeux. C'est exceptionnel. Waouh. Alors, écoutez la voix de Johnny a cappella, vraiment, on en a pris une sacrée claque et puis des frissons partout. Et après, Maxime nous parle de sa proposition artistique sur ce titre. Et quand il parle de DA, ça veut bien dire direction artistique. Voici Maxime qui nous parle de sa proposition artistique. Au-delà de la promotion, en fait, c'est juste que moi, j'ai senti. Enfin, voilà, mon travail avec Johnny. Depuis que le début de notre collaboration, ça a été quand même d'essayer d'être toujours dans une proposition artistique, au-delà de la, évidemment la puissance d'une chanson en particulier ou tout ça. Johnny voulait à la fois faire du rock et à la fois passer sur énergie. C'est une espèce de grand écart difficile. Et, oui. Mais enfin, de toute façon, c'était un. Et, enfin, je veux dire, il était tellement hors norme qu'il pouvait tout se passer. Mais du coup, c'est vrai que quand il y a eu un avant, j'ai l'impression, et après, l'album Jamais Seul. Oui. Dans sa manière de concevoir les disques. C'est Mathieu qui m'a appelé en me disant voilà. Je pense que Johnny m'a contacté, il aimerait que je m'occupe de son album. Est-ce que tu veux le co-réaliser avec moi? Évidemment, enfin, Mathieu plus Johnny, je me suis dit je peux pas manquer une aventure comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec Jamais Seul, on a eu un Johnny qui sortait de problèmes de santé, qui avait été opéré, intubé, il savait pas s'il allait pouvoir rechanter et tout ça. Et il s'est retrouvé quand même avec Mathieu, qui est un être absolument magnifique et un artiste d'une générosité incroyable. Merci cadeau. Je suis plus en place sur la deuxième. Ouais, mais il y a des trucs. C'est exceptionnel. Non, mais là, t'as fait des choses. Je t'ai mis la guitare dans les mains, là, parce que j'avais oublié la première fois. C'est intense, tu comprends? Mais attends, je te jure, quand tu. Ça met une. J'ai jamais vécu ça, quoi. Une voix comme ça. Les tu envoies des trucs, là. C'est vraiment comme si tu jouais de la gratte, c'est ça qui est dingue. Et c'est-à-dire que comme j'arrive pas à jouer à la guitare, j'essaie de chanter comme la guitare. Avec Vincent Polycarpe à la batterie, qui était le batteur des Gush. Et moi, enfin, on était vraiment là dans une espèce de. On vivait notre rêve de gamin, de rock'n'roll, et puis alors d'enregistrer un disque avec Johnny, c'était énorme. Donc on était là, plein de naïveté et plein de... Enfin, on faisait ça comme un groupe de garage, en fait, tu vois. Dans les bio-roms. Je pense. Plaisir de bosser avec vous, parce que je bosse pas, je me régale. Ah ouais, c'est bien ça. Et Johnny, du coup, si tu veux, le fait de se retrouver dans ces configurations-là, il a enregistré vachement de voix en live, il revenait en studio, c'était le premier arrivé au studio, mec. Pour une fois. On se faisait engueuler. C'est-à-dire que même les gens qui travaillaient pour lui, ils hallucinaient en fait, en disant, mais nous, en 20 ans, on n'a pas vu faire ça. Ouais, je suis content parce que je te donne des envies. C'est sûr. Si tu n'avais pas fait la guitare comme ça, j'aurais pas eu l'idée des chœurs comme ça. On vit des moments où comme si voilà, on avait créé un groupe, comme si Johnny enregistrait quasiment son premier disque et qu'on est dans les années 60. Donc, et du coup, après, il y a une espèce de truc qui s'est passé, parce que l'album, vous le savez, c'est un four intersidéral. C'est un four, mais il a fait ce qu'il a voulu, il l'a bien fait. Exactement, ça, et peut-être ça l'a. En tout cas, c'est le parcours des artistes en règle générale. Et Johnny, il échappe pas à la règle. Hein. C'est les montagnes russes. Bien sûr, c'est. Bien sûr. Hey brother, this is fucking good rock and roll. Tell you something. Et mais en tout cas, cet album, je pense que ça a servi à nourrir d'inspiration et d'énergie tous les disques et les tournées et l'arrivée d'Yarol et mon arrivée. Et enfin, dans le processus de créatif de Johnny. Il y a eu un gros virage là-dessus après. Ouais, exactement. Et donc, en fait, je vous raconte ça parce qu'en fait, quand je termine ce titre et que j'ai envie de le sortir, c'est que c'est quand même une démarche artistique. Ah oui. Et que tu vois, au-delà de tout ce qui se fait sur Johnny, c'est super parce qu'il faut qu'il perdure. C'était bien tellement sûr. Un artiste hors norme avec un répertoire absolument. Incroyable et tout ça, et que là voilà, j'ai pas l'impression en fait d'être dans une espèce de truc. Après, bon, c'est une économie, il y a le mercantile, c'est vrai, non, évidemment. Mais... non, mais on va pas se mentir, ça reste un business malgré tout. Voilà, mais voilà, c'est normal. En tout cas, c'est fait avec la même bienveillance

Monsieur Musique, donc du coup, voilà, c'est, on ne disait pas non à Johnny, tu vois. Et donc, bien sûr, nous en venons à parler de l'album de l'amour. Et Yodelis nous parle de cette carte blanche artistique et de la connexion de Johnny Hallyday à l'actualité. Étonnamment, hier, alors moi, c'est pas fait, j'ai pas fait exprès, hein, j'ai écouté de l'amour hier en venant en train. C'est vrai? Ouais. Ah, lui, il a écouté la voiture, lui, il a fait exprès. Lui, il a fait exprès. C'est vrai? Ouais, j'ai dit, je vais. Mais toi, c'est la redécouverte de se dire en gros. Il est bon cet album quand même, il est bon. Ah, il est très bon, de l'amour s'il fait... Il est climatique, il est chamanique. Moi ce que j'aime sur cet album, c'est qu'il est très connecté aux gens, en fait. Ouais. Quand il parle justement un dimanche de janvier, Mike Brown, ouais. Tout ça, en fait, si tu veux, en fait, le truc c'est que je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mais bon c'est triste, les gens ont l'impression que Johnny était déconnecté. En fait, déconnecté des gens, déconnecté de ce qui se passait, cette espèce tellement... il était très connecté, et donc très connecté à l'actu, et donc je fais partie des rares privilégiés à avoir été témoin de ça, et donc j'avais envie que dans le disque de l'amour, où en fait c'est le seul disque où il y avait vraiment une carte blanche artistique, tu vois, puisque c'était un album entre deux, que c'était considéré par la maison de disques comme un side project... tu vois, et donc du coup, voilà, j'avais très envie de reconnecter les mots et la musique, surtout après l'expérience de Johnny. Bon, je suis très heureux et très fier, car je me suis vraiment investi dans cet album. Merci à Maxime Nuxi, qui a composé toutes les chansons, à part une, parce que c'est moi qui l'ai faite, mais bon. J'aimerais te remercier d'avoir cru en moi. J'aimerais te dire à quel point je t'aime. Là, je sais que t'es mal à l'aise et que t'as deux doigts de me foutre une beigne. Mais merci, Johnny. Mais ça, c'est vrai que cet album-là, il est arrivé comme ça, on s'y attendait pas, parce qu'il avait annoncé même sur scène. Mmh. Et alors, on a dit, putain. Dans une vie de chanteur, on fait parfois des rencontres rares, dont naissent des disques marquants. J'ai vécu cela avec mon ami Yodelis. Ces derniers mois, nous nous sommes remis au travail et nous avons enregistré un nouvel album ensemble. Mon 50e album est probablement le plus intime de tous mes albums. Et je vous demande d'accueillir mon ami Yodelis. Donc l'album, tu t'y attends pas, t'as pas le temps de... Et puis l'album, il arrive et tu dis, putain, il est bon. Ouais, ouais, c'était cool, moi j'ai... C'est vrai qu'en plus, avec ce titre caché à la fin aussi... Ouais, c'est vrai. Parce qu'il faut taper les 3 minutes de bande vide. Plus que ça. Plus que ça, 4 minutes de bande vide. Et il y en a ça, plein. C'était le délire de l'époque, ce qui n'a plus aucun intérêt maintenant avec le digital. Mais c'est pour ça, tu vois... J'adorais ça quand j'étais gamin, avoir des disques... Ouais, j'en ai plein, des pistes cachées comme ça, dans des albums et tout, parce qu'on n'écoute pas que du Johnny, bien évidemment, on écoute énormément de musique. Parce que moi, je laisse le disque. Moi je suis à l'ancienne, moi, c'est disque, vinyle, ces trucs-là et tout. Et puis, je dis, putain, mais pourquoi ça s'arrête pas? Je vois pas le truc qui reboot là. Oui, ça fait une minute. Je dis non, ils ont pas fait ça. Et il y en a plein, des gens qui se sont même pas rendu compte qu'il y avait un titre inédit, un titre non crédité derrière. Ouais, j'ai fait putain, là, la piste fantôme, j'ai fait génial quoi. Il a su ce matin qu'il n'y retournerait pas. On n'avait plus besoin de ses bras. La sentence est tombée comme on plante un couteau. Il a fallu plier aussitôt. C'est un titre de Jeanne Chéral et moi. Par contre, c'est celui qui a acheté les tablatures de l'album, moi je les ai, il y a dedans les... Ah, les... il y a dedans. Y a dedans. C'est vrai. Ouais. Avec l'open tuning et ah, tout. Ouais. Bah, je l'ai le bouquin là, justement, je ne suis pas prêt à me faire une petite dédicace dessus. Avec plaisir. Non, mais, ouais, si vous voulez, on se refait un café. Allez. Et voilà que Maxime, en buvant un café avec nous, bien sûr, nous parle d'un souvenir très marquant à Bercy en 2015. J'avais écrit une chanson avec Jeanne Chéral, qui s'appelait Un dimanche de janvier. Ouais, magnifique la chanson. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et puis en plus, tu vois, c'est un sujet, ça tenait à cœur de Johnny. Et en fait, le truc, c'est que Cette chanson, à part sur l'enregistrement de l'album, il ne l'avait jamais chantée réellement. Il l'a chantée une fois. Voilà. Et ça ne faisait pas du tout partie du set du live, mais comme c'était après le Bataclan, il me dit j'aimerais qu'on la joue. Et donc là, je suis dans la loge, on ne l'a jamais joué, tu vois, cette espèce de picking à la James Taylor. Elle n'est pas évidente. Avec lui, je répète, tu vois, on est dans la loge. D'ailleurs, je trouve que j'ai des images de ça absolument incroyables. Et on décide de faire donc cette version guitare-voix. Et donc là, je suis en concentration, j'ai carrément les doigts qui tremblent, tu vois, cette espèce de guitare-voix comme ça, acoustique Bercy, en s'enfiler, tu vois. Et donc on se concentre, tu vois, et donc on y va et on chante la chanson. Et là, ce qu'on ne sait pas, c'est que Dimitri Vassilou, l'ingé lumière, il fait le drapeau de la France. Ah, c'était beau. En lumière, derrière. C'était beau, ouais. Et on finit la chanson, et tu sais, avec les ears, il y a un effet un peu boule-quièce. Donc même s'il y a des micros dans la salle et que les ingénieurs du son, ils nous mettent un peu d'ambiance de salle, c'est quand même très fermé, tu vois, c'est très étouffé. Et donc là, on finit la chanson, moi j'ai les yeux fermés, et là il y a une espèce de silence de mort où je me dis, on a fait un bide intersidéral, tu vois. Et là, carrément, t'as tout Bercy qui commence à chanter la Marseillaise. Nos enfants de la patrie. Et là, ça part comme ça, et là je me souviens carrément, frissons partout, carrément, je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs de scène. Eh bien justement, on va revivre ce moment de scène un dimanche de janvier à Bercy en 2015, exactement le 27 novembre. Et nos villages fatigués Petit retour donc sur Bercy 2015, cette date de ce 27 novembre 2015. Et après l'écoute et les échanges sur le titre Un cri, Yodelis se plie très gentiment à la petite séance de dédicace et de pose photo. Et je lui fais même écouter le duo virtuel que j'inspire, Breathe In de Johnny Yodelis. Il a pris mon téléphone, ferma les yeux, tapa du pied et hocha la tête sur la mesure. Voilà quand je lui annonce. J'arrive à isoler des fois sur les... Tu sais, je fais des duos impossibles et tout ça. Je me suis amusé. Et je t'ai fait un duo avec Breathe In. Mais non. Si. Ah, génial. Ah, génial. Breathe In, Breathe Out. Et donc, il te répond. Vous vous répondez. Pam, pam, pam. Ah, c'était trop j'ai fait cool, ça. Et quand tu arrives à isoler uniquement la voix de Johnny, tu dis... Pff. Ah ouais, c'est clair. Tu m'étonnes. Ah ouais, c'est et cool. Je me suis amusé donc à faire un duo virtuel avec toi et lui. Putain, génial. Ah, je sais pas si t'as une trace, mais j'aimerais bien... Ah ben, bah, je vais sur mon téléphone, mais... Mais il n'est pas parfait, hein, le montage n'est pas parfait. We'll be right back. j'aspire et j'expire. Le duo virtuel Juna Aidé et Yodelis sur J'inspire. Donc, je vous ai fait un petit résumé des 1h40 d'entretien avec Yodelis, vraiment avec c'est un être adorable et sincère également. Et puis, on ne pouvait pas, c'est une superbe expérience, et on ne pouvait pas finir cette petit moment d'interview sans réécouter évidemment la chanson inédite qui est sortie donc le 16 et voire 17 en album, Un cri. On écoute ça tout de suite sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. S'en frappe la tête. Je suis qu'un cri. Ah, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous ce soir. Nadine, où es-tu? D'abord, qu'est-ce que vous faites tout cela dans mon salon? Vous pouvez le voir, je chante en playback. D'ailleurs, je parle en playback. Ouais, crois-moi, je suis le fils de personne. Avouez quand même que pour des playbacks, c'est pas mal, non? Je suis comme ça, je veux pas me changer. Une pierre qui va, un ange en danger. Et dites-moi maintenant, cette fois-ci,

vous allez me dire que la chanson commence sur God Save the Queen. Eh ben non, le titre, mon ami avec moi, commence sur My Country Tears of Thee, un chant patriotique américain inspiré de l'hymne britannique et s'achève sur quelques mesures de la chanson américaine The Battle Hymn of the Republic. Voilà, la vérité est rétablie. On l'écoute, John Hedy, parler de l'Amérique. Je me souviens d'avoir vu une photo de toi, toute petite, tu devais avoir 10 ans à peu près, t'étais déjà habillé en cow-boy. Tu sais, j'ai été élevé par Harley Hallyday, qui était américain, qui m'a obligatoirement donné le goût de l'Amérique dès que j'étais tout môme. Dans mes imaginations d'enfant, j'étais né dans un ranch en Amérique. La première fois que je suis venu en Amérique, j'étais assez déçu parce que ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. Moi, je pensais que l'Amérique, c'était des villes en bois avec des chevaux, des gars habillés en cow-boy qui s'arrêtaient au bistrot et qui attachaient leur cheval devant le bistrot pour évidemment, quand on arrive la première fois en Amérique, on est un peu déçu parce qu'on voit des grandes voitures, on voit des grands buildings en béton. Si tu veux, c'est pas du tout ce qu'on se fait dans les rêves. En Amérique, c'est le royaume de l'argent. Si t'as de l'argent, tu peux tout faire. Si t'as pas d'argent, tu crèves. Dans la vallée de l'Oklahoma, ton coup de fusil fait mouche toutes les fois. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Tu triches au jeu et dans le pays, on te surnomme partout le maudit. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Avec insolence tu défies les hommes, tu chipes leurs femmes, oh mon Dieu, il faut voir comme à ce petit jeu tu t'amuses. Dans la vallée de notre enfance, tu as commis les pires des offenses. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Les bras en croix. Je t'aimais bien pourtant mon ami, tu as volé la femme de ma vie. Voilà pourquoi d'une balle je t'envoie dans la poussière, les bras en croix. Dans la poussière, les bras en croix. Adieu l'ami, tant pis pour toi. Tellement de temps que l'on navigue ensemble, ça ne finira jamais. Johnny et les années 2000. Ici la terre est rouge de tout le sang versé. Sous mes pieds, le sol bouge à Monument Valley. J'entends mille histoires dans les champs oubliés, du bleu, du rouge, puis du noir à Monument Valley. Sur la terre Navajo, je la vis l'épopée. Dans la poussière des longs manteaux, de toutes mes vies rêvées. J'en ai vu des soleils se lever par milliers. Pareil à Monument Valley. t'apprêtes à massacrer. La vie sauvage, la vie de l'Ouest, la seule qui me fait rêver. La nuit s'éclaire d'un feu, au fond de moi une légende est née, qui ferme enfin mes yeux. Et toujours mon cœur bouge à Monument Valley. Johnny nous parle de l'Amérique donc dans cette émission Johnny 2 à Z et aussi également sur le prochain titre Hello US USA. Dès 1960, le cinéaste François Reichenbach s'intéresse à Johnny qu'il filme lors de ses prestations en levée de rideau du spectacle de Raymond DeVos à l'Alhambra en 1960. Et François Reichenbach est un passionné d'Amérique. Il a déjà tourné Impression de New York, New York Ballade, Houston, Texas, Les Marines, L'été indien et L'Amérique insolite. Il reconnaît en Johnny ce feu qui brûle les chanteurs qu'il a pu voir là-bas. En 1970, quand il apprend que Johnny va pour la première fois rencontrer les parents de Lee Hallyday en Oklahoma, il décide d'en être témoin, caméra au point. Il filme aussi un séjour à Hollywood, puis la tournée française qui suit. Et au grand dam du réalisateur, le chanteur ne tient pas à ce que certaines scènes le montrant dans des moments de doute soient retenues. En salle, J'ai tout donné ne connaît pas vraiment le triomphe. Et la chanson liée au film Hello US USA apparaît d'abord au dos du 45 tours Comme si je devais mourir demain, avant d'être incluse sur l'album suivant, c'est-à-dire country, folk, rock. On écoute tout de suite Hello US USA. Viennent

en live. Allez, un peu de Johnny en live. Palais des Sports 1982. Voici le titre qu'a écrit Eddie Mitchell pour son pote Johnny. Voici Carte postale d'Alabama. Yeah. savais des États-Unis parce que pour moi c'était les cow-boys, c'était les Indiens. Et la première fois d'ailleurs que je suis venu aux États-Unis, je devais avoir 16 ans. Quand j'arrive à New York, je suis très très déçu. Je vois des buildings, je vois des voitures, je vois de tout ce qui est plus moderne. Bon, c'est pour ça sans doute que je fais des trips de moto, que je vais dans les réserves d'Indiens, et à Monument Valley, etc. Où j'ai visité la cabane qu'avait John Wayne. C'est un pays, moi je me sens assez libre parce que je peux faire des choses aux États-Unis que je ne peux pas faire en France. Par exemple, prendre un café sur une terrasse, enfin, des tas de choses comme ça. Se lève sur les chromes d'un héritage. Un cuir qu'on porte même dans ses rêves et Brando dans ses bagages. Quelque part la lumière doute des souris et des hommes pour me montrer la route. Y'a tout ce qu'il faut dans ma tête, j'ai pas besoin du reste. Destination c'est nowhere. Del Paso au Grand Canyon, juste un bol de chili vert. Du sable chaud dans mes bottes, la neige sur mes cheveux, des turquoises dans les yeux. J'ai fait le plein dans ma tête, j'ai pas besoin du reste pour rouler vers l'ouest. Années 2010. On m'a tout dit dans ma vie. Oui. C'est une bête de scène. Oui. C'est Jim, de Jim Dean, de rock'n'roll. Que... Mais ce qui me ferait le plus plaisir, c'est qu'on dise que sans doute je suis Johnny Hallyday. Et Johnny nous parle toujours de son Amérique dans le titre Back in LA. j'ai pas un sommeil. Mais qu'est-ce qui t'a pris comme femme tout d'un coup de vouloir autre chose que nous? Et qu'est-ce qui t'a pris de vouloir t'en aller? De ne vais quand même pas me mettre à pleurer. Maxime Nucci avait déclaré dans le journal Le Parisien « J'avais l'impression que ce n'était pas assez bien pour Johnny. Il ne m'a jamais autant mis la pression. J'ai dû écrire 26 musiques, il m'en a jeté la moitié. » Et selon l'équipe qui a travaillé sur cet album, Johnny a reçu une cinquantaine de chansons dont il avait retenu 22 ébauches en août 2017. Il n'a enregistré que 10 chansons. 98% de ce que vous entendez, de ce que vous écoutez, était déjà enregistré avant sa mort, précise Maxime Nucci. Les cuivres et les cordes ont été faits après. On a renforcé à la demande de Johnny les guitares, deux titres avec Yarol. Et ses choristes Amy Keys et Carmen Helen ont doublé les voix des refrains. On a enregistré deux jours et passé une semaine sur le mixage avec Bob Clairmontaine. Voilà ce qu'on peut dire sur l'éclaration de Maxime Nucci sur l'album Mon pays, c'est l'amour. Et on poursuit toujours cette aventure, ce périple au cœur de l'Amérique. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et on retourne Johnny à aider. La ouais, Nashville. Je vais faire un petit tour à Nashville. Mais oui, mais oui. Johnny à la cigale. Je veux t'emmener à Nashville, là où je ne suis pas né. Les copains d'enfance, graine de violence et mon rêve tout bleu comme un blues. Je veux t'emmener à Nashville, là où je ne suis pas né. Vue d'une fenêtre de cuisine, ce sont les mégots de l'espoir qui fument encore sur les trottoirs. On avait quand même des étapes de 500 km. 500 km, ça nous faisait 5 heures sur la moto à peu près. C'est 2000 bornes qu'on a fait dans le Texas, là, avec rien. Il y avait, on était des lignes droites à plus finir, à part que enlever les moustiques que tu avais dans les dents, tu revenais, on salut, ça va, on s'arrête quand, on mange quand. Sur les photos des personnes, il y a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. C'est un vrai trip, c'est-à-dire tout d'un coup on se retrouve dans un truc en plus où lui, il est comme un poisson dans l'eau. Hein. Le mec, malgré ses maisons à Los Angeles, ses voyages en jet privé, ses si, bon bah là il se retrouve dans des conditions ultra classiques. Pff, il est pas du tout dans un manque de luxe ou de choses comme ça, il s'en fiche complètement. L'Amérique de William, ce sont des bars au crépuscule, des villes fantômes sous la lune, ce sont des fleurs qui ont poussé sous la bannière étoilée. Ah, il y avait une forte odeur à un moment là, hein. Ça sentait fort là. Ah ouais, ça sentait, ouais, les engrais chimiques, là. Il aime ça, parce que c'est l'Amérique. Et on l'a vu, la vraie Amérique, tout au long du road trip. Hein. C'est pas les maisons de Santa Barbara et les buildings de Times Square et tout. Hein. La vraie Amérique, en grande majorité, c'est des caravanes et des bicoques en bout de tôle. Hein. C'est les mecs qui... Ouais, c'est les mecs qui vivent dans des caravanes. C'est le redneck qui a son pick-up, qui a le fusil derrière. Oui, l'Amérique de William, Ce sont les grands espaces intimes, plus d'une fenêtre de cuisine. Ce sont les mégots de l'espoir, fumant encore sur les trottoirs. Sur les photos d'Eggleston, y a de la vie en Kodachrome, des drive-in et des mobile homes. Sur les photos d'Eggleston, y a des filles qui protègent leur môme du désir et du schématome. Ouais. L'Amérique de Williams, oui, avec des bruits de moto, avec l'Amérique, et puis donc avec ses compagnons qui témoignent au cours de ce road trip que Johnny avait fait en 2015, et aussi en même temps en mémoire à Claude Bouillon. Maintenant, on va retourner voir Johnny Hallyday, hein, mais cette fois-ci, ce sera à la Nouvelle-Orléans. À New Orleans, hey, hey, hey, hey. Au pays, yeah, au pays du Mississippi où le jazz naquit. En pays sans chanter, vous serez éblouis, mes amis. Éblouis par ces musiques folles qui claquent jour et nuit. Vous verrez sur bord de trottoir des groupes d'enfants noirs chanter des dixillions lorsque descend le soir. À New Orleans, hey, hey, hey. L'amour pousse un peu comme les fleurs. Au fond de ces blues magiques, on mille et une couleurs. Dans chaque église, vous entendrez les négros spirituels. Ils séparent les rythmes étranges de rock'n'roll. Vous verrez aussi mes amis tout près de Basin Street. Comment on fait une jam en dégustant les frites? À New Orleans, hey, hey, hey, hey. Vous verrez les boîtes de nuit. Les boîtes de jadis, les grands noms du jazz sont sortis. Si vous tombez le jour du carnaval, vous verrez aussi. Ouais. Qui file dans les rues, les filles du sud, si jolie. Venez là-bas, on ne se sent pas perdu car je sais. Oui, je sais que là-bas, il y a beaucoup de français. Yeah. Troisième partie de cette émission, donc on va parler de Johnny Hallyday et de lui, et de lui-même, hein, car on retient dans le titre un cri les paroles suivantes. On m'avait rien donné, pas même une bonne étoile, un nom qui trace une lignée d'orgueil. J'ai dû prendre des coups, éviter des balles, oublier comment on cloue les cercueils. J'ai goûté la violence, bien avant la tendresse, j'ai connu la souffrance, l'errance et la détresse, les illusions perdues, à s'en frapper la tête. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Ce que je ne suis qu'un cri. Voici tout de suite pour commencer cette troisième partie. Johnny Hallyday qui chante « Je suis né dans la rue » en 1969.

vous tombez bien, blague à part. Sur moi, j'ai plus d'une brique. Mais avant, il faudra passer par moi. Je vous prends un par un, ou bien tous les trois. Parfois, ça me fait pas peur. Je dirais même que j'aime cogner. C'est un plaisir. D'accord, les gars, allez, je vais vous soigner. Quand Johnny Hallyday joue les mauvais garçons. Et il le prouve encore une fois. Les mauvais garçons, s'ils donnent des coups, ne sont pas méchants, je vous l'avoue. Mais qu'ils en ont reçu de partout. La version alternative de 1963, des mauvais garçons. Salut. Ah, et voilà, j'allais trop vite. On retourne Johnny Hallyday au Zénith en 1984. 100% live. Aussi bien Johnny que le public. Et ce titre, Ma gueule. Chose qui ne va pas, il ne Musicorama. La scène appartient à Johnny Hallyday. Johnny qui a tenu à être présent à cette inauguration du port de Saint-Raphaël. Johnny qui, dans le ciel d'été, tient joliment sa place de jeune héros. énorme. On retrouve tout de suite Johnny Hallyday après ça, Raphaël 1968. Non, c'est vrai. Vous êtes tout simplement formidable. En tout, Johnny Hallyday à l'Olympia l'an 2000. Et avec ce titre, à propos de mon père. Vérité sur sa vie en chanson. Et pour le prochain titre qui s'intitule « Les coups », effectivement, le thème de la chanson colle à merveille à la réputation du chanteur, à cette idée des coups qu'il a pu recevoir gamin et ce que, depuis, il distribue avec une certaine générosité quand il croise un mauvais coucheur. Voici la version, l'adaptation française d'une chanson de donc Stevie Wonder, « Uptight ». Vivo.

On a aimé les autres, mais là, c'était pas, feu, on n'est pas dans une ville. Le feu, le soir, simple. On fait du feu, on a un coup à boire. Il y a la guitare, tu sais, c'est extraordinaire. Tu sais, extraordinaire. Ainsi s'achève cette émission Johnny de A à Z, la 529e, avec le titre inédit Le Cri. Le Cri, que vous avez pu écouter en première partie. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté, participé à cette émission. Puis n'oubliez pas que le podcast sera disponible en principe dès le lendemain. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. A bientôt à toutes et à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao.